Allons, mes enfants, votre copain Arthur, où l'avez-vous mis, hein? Dites-le à votre bon petit directeur, hein? Aucun nom ne se rappelait plus ce qu'on avait foutu de cet Arthur de mer. Et le directeur Furax attrapait des anthrax à dès qu'ils se perdent. On a fait venir un devin qui lisait dans les mains et même dans les oreilles. Mais comme tout ça donnait rien, un beau soir on essaye. Le spiritisme ancien, ça tourne les enfants, ça tourne. Arthur, es-tu là? Oui, le corps. Arthur, où t'as mis ton corps? Je n'ai plus de corps, le gars. Arthur, as-tu du cœur? Belote, les gars. Rebelote et 10 de nerfs. Oh. Et on a enfin compris que ce salaud d'Arthur était au paradis. Oh, la vache, Arthur. Il était au paradis. Oh! On vient d'entendre Arthur, où t'as mis le corps, de Serge Reggiani. Une interprétation assez spectaculaire. C'était avant Je n'aime que moi, de Arlette Tiffany, et Allons enfants, de Mouloudji. Trois pièces dont l'auteur est Boris Vian, tiré d'une compilation qui s'intitule Boris Vian 100 chansons. 100 dans le sens du chiffre 100. Interprété par toutes sortes de gens. Assez intéressant. Plusieurs chansons très intéressantes, des poèmes. Est-ce qu'il y avait un sens à la chanson Arthur où t'as mis le corps? Tu sais, des fois, les chansons. Tu sais, en plus, c'est fait par un poète quand même d'envergure, Boris Vian. On se demande, bon, de quoi traite la chanson exactement? Donc, c'est un gars, des criminels qui ont tué quelqu'un puis ils trouvent plus son corps. Quel est le sens de la chanson? Je pense que dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment de sens là, métaphysique. On va laisser ça à Boris. Mais je voulais vous parler de Mouloudji, qui a interprété la chanson, chanson anti-militariste qui s'appelait « Allons enfants ». C'est l'histoire d'un gars qui se présente comme conscrit puis qui se moque un peu de l'armée, quoi. Donc, l'interprète, c'était Mouloudji. Qui est Mouloudji? C'est un chanteur qui a fait des carrières en France, fils d'Algérien. Il est né dans une famille qui avait des gros problèmes. Sa mère était malade mentale, son père était analphabète, puis il logeait dans une chambre de bonne. Apparemment, son frère aîné était très malade. Mais, pendant son adolescence, il a joint un mouvement avec son frère qui s'appelait les Faucons Rouges. Les Faucons Rouges. Et là, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. C'était un mouvement de jeunesse de gauche. Et c'est assez curieux. C'était formé de gens de travers le monde, de 57 pays. Et c'était une association sœur de l'Internationale socialiste. Et c'était destiné aux jeunes de 6 à 18 ans. Et ça valorisait des valeurs comme la mixité, l'autodiscipline et l'autogouvernement. Intéressant. Les Faucons Rouges. Mouloudji faisait partie de ça. Et oui, oui, oui. Toujours en compagnie de François Gécouillard. C'est le Cirque Aquatique Magique. Venez barboter avec moi. 529-90-26 si vous voulez faire des commentaires. Sinon, on va écouter un bloc consacré à l'acte sexuel. Pourquoi? Tout à l'heure, au sacrilège, il y avait un spectacle hommage à Jean Ferrat. Et s'il y en a un qui a bien chanté l'amour, c'est bien Jean Ferrat. Elle est bien gonflée, bien dure, bien raide, prête à exploser. from Quebec, they changed the name of my street. My street is called Avignon. What the fuck is that? What is that? Amis, cheveux éjaculés, tout le vieux foutre accumulé dans la boutique de mes couilles. Je sens ce roi dire mon andouille, il n'est plus temps de reculer. Mâle femelle à nous citrouille, ce soir je vais t'enculer. C'est à l'église que je veux sodomiser tous ces morveux. Enfilons nos noires soutanes. Pareil au boule des places à nos rousses, ton noir font les nerveux. Nous sommes nus sous nos roupanes. On passe une veille aux longs cheveux. Dégainons la trique violette qui hennit et rompt sa gourmette. Échappant à nos couturiers, je lève mon noir tablier. La belle lèche ma quéquette, attisant le feu meurtrier d'une langue rose et proprette. Voici que le corbeau croasse, voici que mon engin bavasse, et que déjà brame les chantres. Tantôt je sors et tantôt j'entre, et je réponds la basse, issue du doigt que j'ai au ventre, au bénitier de sa connasse. Mon sperme a craché sur sa tombe, déjà mon braquement retombe. Mais la belle s'est mis le tour, et me tend son cul de velours, cul de bourrie, cul de colombe, qui s'offre rose et sans détour. Et je m'y rue comme une bombe, comme une flèche dans la cible, comme un protestant dans la Bible. Ma queue palpite de bonheur et la belle rit de douleur. Cul d'une courbure indicible, plus ferme qu'un cul de fateur. De foutre, il faut que je te crible. Se dégageant d'un coup de manche, c'est le sage qui se penche sur le bateau des raboutis et dégoûté de justice. Mais là de grands yeux de féroce, et me suçant à mon gris, et me suçant à mon gris. Miracle, ami, c'était dans Blanche. L'apothéose alors éclate, ma beau cardinal écarlate, encule les enfants de cœur qui chantent faux de tout leur cœur, se roulant dans une tomate, le curé décharge vainqueur. Demand. Place d'Orléans, or d'Orléans, they actually have accent on it. Place d'Orléans. And we call it Place d'Orléans, and that sounds retarded. D'Orléans is not a word. If it was me running this city, it would be called Orléans Shopping Center. Ta chemise, belle fiancée, l'amour est cerise, et le temps pressé, c'est parti remise, pour aller danser, la la la la la, la la la la la la la la la la la la la la la. Autant qu'il nous semble raisonnable et fou, nous irons ensemble au-delà de tout. Prête-moi ta bouche pour t'aimer un peu. Ouvre-moi ta couche pour l'amour de Dieu. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Laisse-moi sans crainte venir à genoux, goûter ton absinthe, boire ton vin doux. Aux rires et plaintes, aux mots insensés, la folle complainte s'est vite élancée. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Défions le monde et ses interdits, mon plaisir inonde ma bouche ravie. Vertu ou licence, par Dieu je m'en fous, je perds ma semence dans ton sexe roux. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Au pierrot de lune, au mont s'émerveille, voilà que ma plume tombe de sommeil. Et comme une louve aux enfants frileux, la nuit nous recouvre de son manteau bleu. La la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la. Rebelle et soumise, paupières lassées, remets ta chemise, belle fiancée. L'amour est cerise et le temps passé, c'est parti remise pour aller danser. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ça sonnait le cul! C'est normal parce qu'on parlait de cul aussi. Ah là là là, c'était Jean Ferrat qui nous parlait de l'amour et cerise. Juste avant, c'était Évian en avant la zizique. C'est un jeu de mots. La pièce s'intitulait La messe en Jean mineur. C'était le groupe Tout le monde. Et on a entendu le sceptre des vulgaires machins. Un groupe de punk français ou belge, là. Je le répète, les vulgaires machins, leurs pièces sont disponibles gratuitement de sur Internet. Le groupe n'existe plus, malheureusement. Mais leurs pièces vont vivre jusqu'à la fin des temps. Alors, c'était trois pièces consacrées à l'acte sexuel. Donc, on parle vraiment pas de pièces juste d'amour. On parle pas de pièces qui laissent entendre qu'il se passe des choses entre un homme et une femme ou, en tout cas, une relation sexuelle. Non, c'est vraiment trois pièces qui abordent le sujet avec détail. Et si on a beaucoup d'imagination, on peut peut-être même avoir des petites émotions. Et, évidemment, je recherche pour beaucoup pour cette émission-là. Des grosses, grosses recherches. On peut distinguer trois types de rapports sexuels. Les préliminaires, l'acte sexuel et l'orgasme. Et la pénétration peut être pénible et douloureuse pour les deux partenaires si le vagin est trop serré ou est suffisamment lubrifié. Le vagin et la vulve se lubrifient naturellement chez la femme pubère et non ménopausée lorsqu'elle est excitée. Mais cette lubrification peut être insuffisante. Chez la femme vierge, la pénétration est souvent inconfortable, voire douloureuse, en raison de l'appréhension de l'acte et du déchirement de l'hymen. Chez la femme ménopausée, le vagin peut être atrophié et sec. Allons écouter un bloc consacré au dernier album de Richard Desjardins, L'Existoire. La première pièce s'intitule Roger Guntaker. À soi, messieurs, mesdames, on va briser des cœurs. Voici le cardiogramme de Roger Guntaker. J'ai un dilemme sérieux, je vous le soumets sans détour. Qu'est-ce que ça donne d'être heureux? C'était pas en amour. puis toutes ces belles affaires sont dans la valise du char. Char est en fourrière. Y'en a même un jour, dis-toi qu'est-ce que tu veux. L'amour, l'amour, l'amour est tous avec des œufs. La femme cherche partout, police court après bruit, pas inquiète, vont bien le jour finir par se marier. T'es bien content pour eux, le souhait des bons amants, ils vécurent pur, eurent de nombreux paiements. La haute fidélité, c'est pour les systèmes de son, pour les clients de la baie, cocu dans le salon. Pi, pi, pi, pis si mouille mouillera, pis si neige en pelletera, oh la pourra vida. Une caisse de pieds volés, je la débronze avec la blonde, un obécé dans pomme à peau, ça c'est le bonheur. C'est l'orage gigantateur. Moi j'ai un idéal, c'est de rater ma vie. Je sais pas si c'est normal, j'ai pas encore réussi. Un problème de poisson, une petite nouvelle pour vous. D'avoir ou en prison, j'en ai trouvé partout. Tout le long de ma route, j'ai fait des erreurs. C'était plus fort que tout, je les ai appris par cœur. Ça donne de l'émotion, fort que je n'ai jamais assez. Moi, où ce que le vent m'emporte, je t'apprendrai à laisser. Les jaloux qui me font chier me le pardonnent tout de suite. Pour pas les oublier, j'ai toute la liste ici. Dans mon coffre à tickets, ce pinot et pécard, tout bien classé par dette, dans les marches d'une cravate. J'arrive à la banque, bonjour, je m'en viens vous vendre mes dettes. Je reviens heureux comme tout, comme petit cochon dans la boîte. Pi, pi, pi, pi, si mouillera, pi, si les gens pèlent à la pourra vida. Je la défonce avec la blonde et non pissé dans pas de ma peau. Ça c'est le bonheur, selon un gigantateur. Moi je me mêle pas de politique, les vers de terre shiny. Pour ma santé publique, je m'en tape un par année. Juste pour les funérailles, les bagnoles flambant de voir un ministre qui broille. C'est sûr que ça pète le papa. Parlant de religion, la mec et puis l'islam. Nous autres dans notre région, c'est la mort et puis la slam. Comme dit dans sa caverne, le gourou consacré, c'est l'idée d'où l'Eden, Pokémon Bot 6. Qu'est-ce qu'il disait pour ça? Le pire, c'est quand que le pire se met à revirer, il y a des choses bien pires qui sont jamais arrivées. À trop penser à l'avenir, on en oublie le présent, ça fait qu'à l'avenir, pensez-y plus souvent. Là, je m'en vais chez Denis, son beau futon en fond. Comme on dit dans le showbiz, il gâche au masgoron. Pi, pi, pi, pi, si mouillé mouillera, pi, si neige en pèlera, hola pour la vida. Une caisse de pierre volée, je la défonce, il y avait la blonde, et non, pis c'est dans pas de ma faute, ça c'est le bonheur, c'est l'orage gigantateur. Bon, de sentir ta fine qui me fouille le vagin. Oh. Oh. Je me suis perdu dans les chemins de compagnie, prenant bas par de vue, bel job que je me suis dit. Voilà que je me sorte de là, j'ai appelé la CEPAC. J'avais du temps devant moi, c'est fait que j'ai vidé un lac. C'est que je vois l'Indien, pas de bonne humeur, pas tout, avec les oreilles dans le grain, il me dit tu détruis tout. Comment que ça sera de ma faute, que c'est que tu veux que ça me fasse, si c'est pas moi, c'est un autre qui va le faire à ma place. Moi, tout, je n'ai des enfants, lui laisse des beaux restants, puis s'ils sont pas contents, lui reste l'agonistan. Oui, toujours vivant, dis-toi que c'est mieux que rien. Pis si t'es pas content, ton gomme d'où c'est que tu viens. J'pille, j'pille, j'pille, ben correct, ben correct. J'pille, j'pille, j'pille, j'sais plus quoi faire avec. Pas de problème, ski doux, si doux, quatre roues. J'suis dans le club des bains, même des fiumes pis bains de la broue. C'est pas dans mes talents d'expliquer l'existence. Ce cerveau a deux temps, ça pense pas, ça dépense. J'suis fier d'être ignorant, pis ça c'est un droit acquis. Pas besoin d'être savant quand t'as une carte de crédit. En fait, moi j'ai deux bacs, un bac vert, un bac bleu. Un pour les faces à claque, dans l'autre ma déquête. Pis laisse-moi pas tout seul avec un écolo. Une coupe de claque, sa gueule, pis ça va faire tricô. Il t'offra pas une ronde avec ses beaux discours. Il voudra sauver le monde, il va sauver tout court. Je sais plus quoi faire avec. Le développement durable, c'est pour ma grosse pédette. Et je suis même plus capable de me voir le bout de la graine. Je suis dans le port des papiers, ben assis sur mon cul. Puis y'en a rien à chier, la toffe la FTQ. Je vais jouir! Je vais jouir! Ah! Ah, ça y est! Je jouis! Je jouis! Ah, ah. Ah oui, mon chéri! Jouis! Jouis-moi d'un coup! Ah! Ah! Ah! Je te sens! Oh, j'en ai plein le cou! Ah! Ah! Avec l'amour de Jésus! Avec la souplesse de Tarzan, avec le timing de Zorro, avec la touche de Picasso et les mots de Raymond. Avec le swing de Presley, avec la générosité du Père Noël Joufflu, avec l'ardeur d'Abraham et le cœur de Maurice Richard, avec la joie des Beatles, avec la scène vérité d'Ernesto Guevara, avec la montée de Bouddha, avec le doigté de Chopin, avec la ferveur de Pontiac. Avec la franchise de Karl Marx, avec la grâce de Michel-Ange et le sourire d'Einstein, avec mon pack-sac de héros et avec mes petits défauts, je m'en viens. Et ça en prend des qualités pour aimer Richard Desjardins, n'est-ce pas? La souplesse de Jésus, la sincérité de Ernesto Guevara. Et c'était ça, c'est trois pièces tirées de l'album L'Existoire de Richard Desjardins, notre ami à tous et à toutes. La pièce qu'on vient d'entendre, c'était Avec l'amour de Jésus. Juste avant, c'était Développement durable. Et la première pièce, c'était Roger Guntaker. Une pièce qui parlait de d'infidélité. Et développement durable, vous avez saisi, qui se moque allègrement, évidemment, des compagnies multinationales qui n'ont rien à foutre des lois et règlements qui protègent le bien public. Parce que Richard Desjardins, c'est un individu intègre, c'est un militant écologiste. pour le droit des autochtones, tout ça. Aujourd'hui, il est très connu, probablement le plus grand auteur du Québec. Par contre, ça n'a pas été facile ses débuts. Même son premier album solo, il a été autoproduit, autofinancé. C'est-à-dire qu'il a trouvé 400 amis pour pouvoir lui payer l'argent pour produire son disque « Les derniers humains ». Après ça, ça s'est enchaîné. Il s'est mis à faire un autre album qui s'appelait « Tu m'aimes-tu » qui a été vendu quand même à 125 000 exemplaires. Après ça, il a fait la trame sonore du film « Le Party » de Pierre Falardeau. Et en 99, c'est quoi qu'il a fait? Le fameux documentaire « L'erreur boréale » qui parle de la mauvaise gestion de la forêt du Québec. Et quand même, hein, le documentaire a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans la politique, dans notre petit univers québécois. Parce que suite à ça, il y a le gouvernement libéral qui a mis sur pied la commission Coulombe pour faire la lumière sur l'industrie, justement. Alors, c'est quand même pas rien. Bravo, Richard. Et Richard, c'est un individu qui est capable de faire ses chansons avec une guitare et à la façon country. Quand c'est pas ça, c'est avec un orchestre symphonique. Donc, c'est vraiment tout ou rien, en quelque sorte. Il y a des chansons qui sont juste drôles, amusantes. D'autres chansons qui sont extrêmement profondes. Richard, un gars engagé. En 2010, il a signé même une espèce d'appel de 500 artistes pour dénoncer l'apartheid israélien. Donc le mur que l'Israël a construit autour de la Palestine. Donc il a appuyé la campagne de boycott contre Israël. Et actuellement, Richard Desjardins il travaille sur un nouveau documentaire qui va parler des l'exploitation des ressources minières de sa région. Il vient de Rouyn-Noranda. Et le film va s'appeler True Story. Et d'ailleurs, parlant de ça, on voit déjà les trous miniers à partir de l'espace quand on regarde la planète. Alors imaginez-vous que dans les prochaines années, les trous vont s'agrandir. Donc ils vont être plus profonds, plus gros. Ils vont polluer encore plus. Ils vont encore plus ravager tout sur leur passage. Les mines, c'est vraiment particulier. C'est vraiment de toute beauté. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Vous écoutez le Cercle Gothique Magique en compagnie de François G. Couillard. Allons écouter un bloc ska tiré d'une compilation qui s'intitule tout simplement Deep Ska. On commence avec la pièce When I Call Your Name de Stranger et Patty. Call your name. signifie cette sorte de défilé, cette exhibition dans le centre de la capitale? Rendez-vous compte de la sensation produite et du scandale qui en résulte. Mais c'était justement le but à atteindre. Ma révérende mère, il faut agir, faire quelque chose. Enfin, les classes sont bondées, le matériel inexistant, misérable. Et vous croyez sans doute que j'ignore cela? Voilà 20 ans que je livre combat et perds de dures batailles contre la vétusté, le manque de place, de livres, de matériel, de plomberie, contre le manque d'argent. Voilà 20 ans que je lutte contre tout ça, et vous, ma sœur, au bout d'une semaine, vous venez me dire de quoi nous aurions besoin. Je sais que vos intentions sont excellentes. Mais aurions-nous suffisamment d'argent qu'il nous manquerait le terrain pour bâtir? J'ai vu un vaste terrain dans le vieux San Juan, un endroit parfait, ce serait l'idéal. Mais je sais de quel endroit vous parlez. Malheureusement, il appartient à un nommé Carlos Ramirez, lequel refuse absolument de vendre. Believe me. trois pièces ska absolument extraordinaires tirées du folklore de la Jamaïque des années 62 à 69. Une compilation qui s'appelle Deep Ska. La pièce qu'on vient d'entendre, c'est Really Now des Dreamlets. On a entendu une pièce instrumentale qui s'intitule Rude Boy du Duke Reid Group. Et on a entendu When I Call Your Name de Stranger et Patty. Voyez, c'est pas compliqué hein, pour faire fondre le cœur d'une dame. You know, I really love you. I love you now. I love you now. C'est pas plus compliqué que ça et ça veut tout dire. Ah là là là là. Le ska, originaire de Jamaïque. Jamaïque, c'est un petit île des Caraïbes, population à peu près. Le nombre à peu près pareil que le Québec, c'est-à-dire environ. Je sais pas. Entre 5 et 10 millions, si je ne m'abuse. Jamaïque, c'est toujours un pays qui a été dominé par des intérêts économiques étrangers. Donc, c'est jamais les Jamaïcains eux-mêmes qui ont tenu les rênes du pouvoir économique, même politique. Dans les années 50, c'était une île britannique. Ils ont obtenu leur indépendance, mais la situation ne s'est pas vraiment améliorée. Dans les ghettos jamaïcains, on pouvait retrouver les Rude Boys et les Rastafari. Et la Rastafari, c'est une religion. C'est une vraie religion. Une secte, peut-être qu'on pourrait dire. C'est une forme de religion. Et les Rude Boys, c'est des jeunes violents. Qu'on peut dire aussi, on peut appeler ça aussi des Rudies. D'ailleurs, si vous voyez un vrai amateur de ska, là, vous pouvez l'appeler Rudy, il va être content. C'est souvent des gens qui s'habillaient avec des chapeaux melons, puis des vestes un peu à la style gangster américain, de films de gangster. D'ailleurs, le style de musique ska a été inspiré du rhythm and blues et du jazz américain via les ondes d'une radio qui s'appelait Winds, qui était située à Miami, et par les disques qu'avaient laissés les soldats américains qui étaient basés sur l'île pendant la Seconde Guerre mondiale. Bureau d'exploration aléatoire cette semaine. Un beau vinyle qui s'intitule Karen Irvin Percussionist. Donc sur la pochette, on retrouve une mosaïque de photos de Karen. On la voit sur une batterie, on la voit debout dans un champ, on la voit avec une baguette de xylophone. On va y découvrir ça ensemble. Qu'est-ce que ça donne? Karen Irvin. La première pièce s'intitule Morris Dance. C'est parti. C'est bel et bien des percussions. Avec le système, mais on va finir par s'habituer. Je suis de retour, heureusement, je suis content. J'avais oublié quelque chose chez moi, donc survenu. On est des fois plus de misère au téléphone, on coupe une place en quelque part, puis après ça, ben là, on se demande qu'est-ce qui se passe, là, mais ça fait rien. On continue à faire la radio pour vous autres, puis on s'amuse avec ça. Alors, mon poème, des paroles imaginaires comme ma peau. Comme une journée inhospitalière, l'entendre dire, c'est trop félicieux pour mon corps, trop d'autres belles et de je et trop beau pour je, trop beau pour mes voix. C'est trop gros pour ma voix, comme être mes jours aussi arrogants qu'un lit d'hôpital, comme en une journée inhospitalière, être fort assez pour se voir. Tenter de demeurer pour assister quelque chose, comprendre par là, par là, par là, par là, être tenté de glisser un camp, glisser sa gueule fleurie sur les seins, ne plus jamais être tenté d'être étrangère à soi-même et surtout, pareillement à chacune de mes soirs de guerre, de mes jours instants, inhospitaliers, absence, rédemption, paix. Paix, paix, paix, je vous suis encore et vous aurez cru. Et c'est sur ces mots de Edmé Étienne qu'on va se quitter. C'était François Gécouillard. Le vinyle qu'on écoutait en background, c'était celui de Karen Ervin. Bel essai, mais non, ça passe pas. Et puis, ben, on se dit à la semaine prochaine. C'est François Gécouillard qui vous invite. Et puis, vous pouvez réécouter cette émission ainsi que toutes les autres à jeunefou.blogspot.com. À la prochaine!